Parabellum. My man. My man. J'en ai lourd sur le cœur. Je viens percer ton rap game, poteau. Purchase your tracks today. L'album est dans les bacs. C'est pour Shy. Nick le game. My man. My man, crois pas que j'ai voulu ce qui m'arrive. Un jour tu fais de la tôle, après t'as plus la même. Il est mis sa folle, mais mon skeg a besoin de répit. J'ai 10 000 beurettes à sevrer avec une seule pile. Ma man, avec Rico, on fait du sale du matin au soir. Fumer la grosse merde qu'on vient propager dans vos tiécars. Je fais ton baptême du sale, fumée blanche, je suis nouveau pape. Pour le pilon ou la beurette, je veux que de la bête de frappe. Mais du chien, du chat, du cheval. Tant que la sauce est samouraï, que du sale, tu resteras locataire si tu gères les bails. T'as touché le fond et tu bouges plus comme un code sans pile. Je fais mes bagages, je déménage et baiser toutes les go de la ville. Tu le sais, ma mère, je fais que du sale depuis le début. Seul Poutine et Satan savaient que j'étais l'élu. Tu le sais, ma mère, je fais que du sale depuis le début. Seul Poutine et Satan savaient que j'étais l'élu. Empereur du sale. Ouais, c'est l'empereur du sale. Du sale. Pour tous mes strats. Du sale. Ma mère. Du sale. Ma mère. J'ai qu'un ami, mais 10 millions de straves. Le président est flatté de pouvoir manger à ma table. Je fais zizi roverette à base de grec et de pilon. Pas très bavard, c'est ma queue qui en dit long. L'armée américaine, ouais, j'ai 2 fois plus de soldats. Je suis l'empereur du sale et pour ça y a pas de mandat. Je vais à la chicha pour voir tous mes pots de peinture. J'aime pas les conduire, je préfère brûler des voitures. Je veux pas les fourrer. Les blondasses pensent que je suis raciste. Je mate que des films de cul. Fuck, c'est du propre sur M6. Y'a mes sons qui tournent en boucle dans toutes les voitures de police. Vrai tableau de chat, jaloux sont les taxidermistes. J'écris en italique. Pour les bons, sera pas rappelé. C'est pour eux. Nick, nick, nick, nick ta mère, Dominique. Ma mère, ma mère. C'est pour vous que du sale. Ma mère. Pour les straps. Hein? Tu le sais, ma mère, je fais que du sale depuis le début. Seul Poutine et Satan savaient que j'étais l'élu. Tu le sais, ma mère, je fais que du sale depuis le début. Seul Poutine et Satan savaient que j'étais l'élu. Empereur du sale, ouais, c'est l'empereur du sale. Du sale pour tous mes strats.